cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. On t'a rien dans le dors précédent concernant aqidatu ahli l'islam fima yajib lil imam, et la croyance des muslimines concernant les gouverneurs. On a fini un fasl muhim sur kayfiyat munasahati ولات الامور, comment conseiller les gouverneurs. تقدم معنا انه c'est pas permis de se rebeller, de les conseiller avec les armes, essayer d'enlever le munkar, le mal, de force avec les armes, كذلك de citer leurs défauts en public. Là sunna c'est de les conseiller sirran, en secret. Imma mushafahatan, celui qui peut directement, imma kitabatan, en leur écrivant ou en passant par une personne qui a accès. Ala kulli hal, hada c'est tariqat ahli sunnati wal jama'a. Et aujourd'hui on commence al fasl ar-rabi' wa billahi tawfiq. Qala rahimahullah al fasl ar-rabi' ada'u al-ibadat ma' al-a'imma. Vu que haoula Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné hadhihi al-manzila, et ils ont autorité sur les autres, donc c'est eux qui gèrent ma yata'alaq bil ibadat, as-salawat, al-hajj, al-jihad et autres. Al-wajib ala al-muslim, c'est de leur obéir et ne pas délaisser ces ibadat comme يفعل الخوارج الحركيون الضلال انهم ils ne vont plus matalan dans certains masajid. Pourquoi? Il y en a pour eux cet imam il est à la solde du gouverneur et le gouverneur il est injuste, donc on fait pas salat. فنعوذ بالله من هذا الفكر. Tant que c'est un musulman, même s'il est injuste, فله الطاعه. Ça c'est حكم النبي صلى الله عليه وسلم. Pas ma parole à moi. Isma' hadha al-fasl, il est muhim. Limadha, on le répète, beaucoup de shubuhat fi hadha al-bab. Qala rahimahullah, an-nadhir fi kutub al-salaf al-aqaidiyya yara ijma'ahum ala anna al-ibadat tu'adda ma'a al-wula la yakhtalif itnan minhum ala dhalik. Et hadha al-nadhar, il est très très important. Revenir au livre de haoula. Tu vois, des livres, c'est des bases. Des livres de salaf fi al-aqida. Et ces livres, ils sont... Il y a les chaînes de transmission qui sont citées. Kutub Musnada. Parmi les plus répandus, les plus connus et les plus profitables, Kitab al-Sharia, l'imam al-Ajuri, rahmatullah alayhi. Enfin, il a plusieurs chapitres concernant le gouverneur. Et il a cité des jma'at, des consensus, il a cité des paroles d'imam, des paroles de compagnons, qabla dhalik, bel qabla dhalik, il a cité des ayat et des ahadith du prophète alayhi salatu salam. Enfin, celui qui veut comprendre aqidat salaf, celui qui veut comprendre ce sujet des gouverneurs, il doit revenir à ce genre de livre. Wa hakada kitab al-Iban li al-Imam Ibn Battah rahmatullah alayhi, kitab azim nafi' jiddan. Il a cité كذلك des abwab, khassatan ces livres fiha rudud qawiyya, des répliques, des réfutations contre les égarés dans tous les domaines de l'aqida. Maintenant, notre sujet sur les gouverneurs, tu trouveras beaucoup de rudud anil khawarij wa ala al khawarij. Et hada c'est mouvid, et tu t'apercevras très très vite que les choubers c'est les mêmes, les choubers qu'ils avaient, les anciens khawarij, c'est exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Allez, hada, pour bien comprendre, on doit revenir à ce genre de livre. On peut citer un dernier, Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a lil Imam al-Lalaka'i rahmatullah alayh. Tous ces livres, ils ont été imprimés en 2 ou 4, 5, 6 volumes, ça dépend des maisons d'édition. Wa fiha fawaid kathira. Là, il faut un certain niveau pour les comprendre, bien sûr en langue arabe, et avoir des notions fi al-aqida. Ala kulli hal, revenir au imams anciens min a'immatis salaf, Lakin pour comprendre qawl a'immat as-salaf, tu dois revenir aux savants contemporains. Illa kam min an-nas yukaffiruna al-hukam. Ils ont des choubas. Et en s'appuyant sur certaines paroles. Limadha li'anna ils prennent ce qui les arrange. Kadhalik, ils ont des passions. Des passions, ils veulent à tout prix trouver un mot, une phrase, une kalima contre les gouverneurs. Enfin, ils prennent ce qui les arrange. C'est du din. C'est du din. Et notre din, il est fondé sur l'adilla. Et vous avez remarqué que beaucoup de masail, il y a l'ijma'. En général, l'obéissance au gouverneur, bien sûr, c'est selon l'unanimité des salafs. Lakin, tu trouveras des masail qu'ils citent, mettalan ada al-ibadat et des points. Hakada, tu trouveras des autres ijma'at, des consensus encore plus précis. Enfin, alhamdulillah. Et la meilleure voie, c'est la voie du prophète alayhi salatu salam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair fi hada, et on a lu al-ahadid. Hada, c'est un tambih muhim de Cheikh Abdou Salam. Avant de citer certains points importants, il faut revenir au livre des imams qui nous ont précédés. Fal khayr kullu fi ittiba' as-salaf wa ash-sharr kullu fi ibtida' man khalaf. Tout le bien, il se trouve dans la voie des salaf, et tout le mal, il se trouve dans les voies innovées. Ceux qui ont délaissé la voie des salaf et en suivant leur passion, ils ont divergé avec as-salaf. Qalu wa qad haka hadha al-ijma' ba'd al-a'imma الكبار فمن ذلك قول الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 80 و200 رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة. Ils l'ont imprimé, c'est un livre très très résumé. لكن هذا الكتاب للطيب أن هذا الإمام حرب الكرماني رحمة الله عليه il a cité إجماع أهل العلم dans العقيدة. مثلا il dit les imams, ils sont tous d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms, des attributs, il est au-dessus de son trône. Et Thoma, il a cité les ijma'at, matalan, concernant les gouverneurs. Enfin, c'est un livre, Jamil Jiddan. Il a rapporté la voix des imams qui étaient avant lui. Et lui, déjà, rahimahullah, il est mort en 280. Donc, il fait partie de la génération de l'imam Ahmed, de l'imam al-Bukhari, ces grands imams. Enfin, il a rapporté ijma'a des imams qui sont venus après eux. Min a'immati as-sahaba radiyallahu anhum, et ceux qui sont venus après eux. Qala, donc Harb, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre? Hada madhahib ahli al-ilm wa ashab al-athar wa ahli sunnah al-mutamassikin biha al-muqtada bihim fiha min ladun ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila yawmina hada. Donc il a cité la voix des imams depuis l'époque des compagnons radiyallahu anhum jusqu'à son époque. قال وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. كذلك il a cité les savants في الحجاز في الشام et autres, ils étaient على هذا. فمن خالف شيئا من هذا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة. Ça, ça nous montre أن si on veut la guider, elle est fait manhaj ha'oula. Ce que l'ulama, ils appellent manhaj al-salaf al-salih. Ou plus résumé, al-manhaj al-salafi. C'est le fait de suivre ha'oula, rien d'autre. Fala taghtarru bi al-haqidin, al-ta'inin. Qui essaye de faire croire que al-salafi, que al-manhaj al-salafi, c'est quelque chose d'inventé. Hatta beaucoup de juhal à notre époque, bal min ahli al-ahwa, kathir minhum, ils disent c'est des pseudo-salafis. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Pour critiquer Ahl-Sunnah, pour critiquer Al-Salafiyoun, qui applique la voix des salafis, et qui s'accroche et qui appelle les autres à obéir au gouverneur. Fi ta'atillah. Et à ne pas se rebeller, n'a pas appelé à la révolution, aux manifestations, à désobéir, même s'il est injuste. Tant que c'est un musulman. On n'obéit pas, bien sûr, s'il nous appelle à faire un péché, lakin ça n'implique pas de l'insulter, de le critiquer, d'appeler à la rébellion. Bel on patient. C'est ça la voix des salafs. Amma alladina ta'atharu yattakfiriyin, tu les trouves laylan wa naharan dans les réseaux sociaux, les pseudo-salafis. Fahadharu, la salafia, c'est une voix claire, qui a des fondements. Et on les a étudiés, walillahi alhamd, avec la risala du même auteur, Cheikh Abdou Salam, Ibn Barjas, rahmatullah alayhi, au soul ad-da'wa al-salafiyya, parmi ses fondements, l'obéissance au gouverneur. On doit apprendre notre din. On ne doit pas être hakada l'uba fi aydiha oula. Un jour ils acceptent, un jour ils refusent, un jour ils accusent. Qala rahimahullah, qala ay, donc harb, après avoir cité que c'est la voie des salafs, qala wa huwa madhhab Ahmed ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawi wa Abdullah ibn Mikhlad wa Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi wa Sa'id ibn Mansour wa ghayruhum aw ghayrihim wa huwa madhhab Ahmed na'am wa ghayrihim mimman jalasna wa akhadna anhum al-'ilm wa kana min qawlihim. Donc il a cité que c'est la voix de certains imams qui étaient très connus et qui sont encore connus à notre époque. Thumma qala wa kana min qawlihim ay. Qu'est-ce qu'elle disait, Haoula? L'unanimité des imams, la voix des salafs, fi hadha al-bab qal, wal jihad madin qa'im ma'al a'imma barru ou fajaru, wa la yubtiluhu jawr ja'ir, wa la adl adil. Même si cet imam, même ce gouverneur, il fait des péchés, il est injuste, tant que c'est un musulman, s'il appelle au jihad, on fait le jihad ma'a. Qal, wal jumu'a, wal idan, wal hajj ma'a sultan. وإن لم يكونوا ضررة عدولا أتقيا. On fait salat al-jumu'a. On fait salat al-jumu'a. À l'époque, c'était souvent l'imam, le gouverneur, l'imam, khas atteint dans le grand masjid du pays, de la ville. À notre époque, beaucoup moins. Lakin, c'est toujours les autorités qui se chargent de hada. Dans les pays musulmans, tu le vois, à l'Awqaf, il y a un ministère religieux et c'est eux qui s'occupent des masajid et qui placent des imams. Fafi hada al-hal, même s'il y a de l'ignorance, même s'il y a des péchés, même s'il y a de l'injustice, on fait salat al-jumu'a ma'ahum dans ces masajid. Ta'lamoun anna at-takfiriyin jusqu'à aujourd'hui, ils font pas salat dans certains masajid. Il y en a pour eux, l'imam, il travaille avec les autorités c'est des kuffars, enfin je fais pas derrière la salat derrière un kafir. Alors que c'est un musulman, c'est ton frère. Il a des manquements, comme toi tu as des manquements. Bal ce musulman ولله الحمد إلى أحسن وأفضل من الخوارج. الخوارج من الشرار الفرق، من شرار خلق الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. On doit faire attention. والعيدان نعم أي صلاة العيد والحج مع السلطان بيان سور فغ الحج معهم وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا. Même si c'est pas des gens pieux, même s'ils ont commis des injustices, même s'ils font des péchés, on a هذا الاصل العظيم tant que c'est un gouverneur musulman. Enfin, ceux qui propagent les choubah, hein, pardonnez, tellement qu'ils sont ignorants, quand tu les conseilles à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent mais il a fait telle chose. Les salafs, ils ont rapporté l'unanimité, même s'il a fait ces choses que tu cites, il a fait tel péché, il a commis telle injustice, il a هذا c'est واضح. Mais est-ce que ça appelle à ne plus les respecter, ne plus faire salat derrière eux, ne plus leur obéir? Ça, c'est pas la voie des salafs. Enfin, les salafs, ils ont bien montré, malgré ses péchés, ses injustices, enfin, on fait salat derrière eux. Et on leur obéit. Et on patiente. قال ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفي والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا. كذلك الصدقات الزكاة أطر. C'est permis de donner au gouverneur. Même si il est injuste, même si il commet des péchés, on le répète, c'est mashrou' de lui donner. قال الامام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم رحمه الله. Il a cité la référence fil hashiya aqidatu abi hatim wa abi zura'. Al-imaman Abu Hatim et Abu Zura'. Le fils de Abu Hatim, il s'appelle Abd al-Rahman. Il est connu par laqab ibn abi hatim, le fils de abi hatim ay ar-razi. Fa il a rapporté sa'altu abi wa aba zur'a, il a posé la question à son père et abu zur'a, ils sont cités souvent les deux ensemble, deux grands imams radiyallahu anhuma an madahib ahli sunnah wa ma adrakna alayhi al-ulama fi jami' al-amsar wa ma ya'taqidan min dhalik fa qala adrakna al-ulama fi jami' al-amsar hijazan wa iraqan wa misran wa shaman wa yamanan. Il a cité plusieurs régions, ou ils ont cité plutôt plusieurs régions. Al-Hijaz, la péninsule arabique, l'Irak, l'Égypte, Al-Sham, la Palestine, la Syrie, etc. Ou Yémen, le Yémen. Fakana min madhahibihim anna al-jihad madhin mundhu ba'ath Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ila qiyam sa'a ma'a أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك. Tant que c'est un musulman, tu as cette base. تأمل قوله من أئمة المسلمين. Tant que c'est un musulman, لا يبطله شيء. Il n'est pas annulé. Cette salat derrière lui ou ce hajj ou cette sadaqat que tu vas donner, c'est permis. Tant que c'est un musulman. قال ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من المسلمين انتهى. كذلك donner des sadaqat, az-zakat au gouverneur. Si le gouverneur il est chargé, il charge quelqu'un plutôt de rassembler les zakat, même si c'est des pécheurs, même si commet des injustices, c'est permis de la donner. قال وفي لفظ هذه العقيدة عن أبي حاتم أنه قال هذا مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به. قال ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع الصدقات المواشي إليهم أخرجه اللالكائي في السنة. C'est une des références qu'on a cité. وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في كتابه وصول السنة باب الصلاة خلف الولاء قال ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق. Donc tant que c'est un musulman, que ça soit impur ou un injuste, tant que c'est le gouverneur des musulmans, on a le droit de faire salat al-jamاعة والعيدين et le hajj معه. قال وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. Celui qui refait la salat, كما يفعل بعض أهل الشبهات, alors même s'ils font la salat dans tel masjid, pour eux c'est les autorités, c'est des égards, ils refont la salat, ils font la salat au masjid pour éviter la fitna, pour éviter la répression, etc. ثم ils refont la salat chez eux. Ça contredit la voie des salaf. Les salaf, ils ne refaisaient pas la salat. لماذا لأن celui qui refait la salat, c'est qu'il a la conviction, il a taqid anna salat, elle est batila. Pour lui, la salat, elle n'est pas acceptée. Donc, il la refait. Si elle n'est pas acceptée, ça veut dire quoi? Pourquoi elle ne serait pas acceptée? لأن كثير من هؤلاء, ils ont l'aqida anna l'imam, c'est pas un muslim. Vu qu'il est, il a été désigné par les autorités. Et pour eux, les autorités, c'est des kafara. Donc, as-salat khalf al-kafir, pour elle n'est pas sahiha, c'est pour ça qu'ils la refont. Ah, là, c'est très très grave. Tu fais salat, walillahi alhamd, et ne la refais pas. Limada liyanna, tu as fait salat derrière un imam muslim, alhamdulillah. Et les manquements, taqaddam ma'ana la façon de régler les manquements. Bin nasiha, wa sayati ma'ana, insha'Allah ta'ala, dans les derniers chapitres, ad-du'a, invoqué pour eux. Qu'Allah il les guide. Thumma aqad al-imam Abu Abdullah rahimahullah, baban, fi daf'i zakat, ila al-wula. ثم بابا آخر في الحج والجهاد مع الولاء وساق أدلة على كل ذلك. Vous avez remarqué الآن la façon de faire de Cheikh Abdussalam. Il cite des passages d'ouvrages, de références des imams des salafs et des chapitres de ces livres. Et il s'est permis de faire salat derrière les imams. Tant que ça reste des musulmans, même s'ils sont injustes, même si c'est des pervers, même si c'est kada. Tout ça pour montrer la voie des salafs. Ceux qui viennent après les salafs, ils ne sont pas meilleurs que Abadan. Ils n'ont pas compris le mieux le din qu'eux. Ils n'ont pas hadha al-wara plus que as-salaf. S'ils n'auraient pas fallu faire as-salat derrière Ha'oula, les premiers qui auraient délaissé la salat, ça aurait été les salafs. Fa'ali hadha nahnu, on doit suivre. On n'a rien d'autre à faire. On suit. Si on ne sait pas, on demande. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Pour éviter les ambiguïtés, on apprend. Et vous verrez, on sera à la khair. Et chacun rendra des comptes yawm al-qiyama. Le gouverneur et le gouverné. قال ولو أردت أن أنقل لك أيها الموفق جميع ما أودعه السلف رحمهم الله كتبهم في هذه المسألة لاحتجت إلى مؤلف مستقل. لا شك. S'il aurait voulu tout citer concernant ce point, ça aurait donné un livre. فلهذا إشارات. Il a cité فقط certains points. قال إذ لا يخلو كتاب في المعتقد للسلف إلا وفيه تقرير للمسألة إما على وجه الاختصار ولا وجه الإطالة. N'importe quel livre في العقيدة, tu trouveras ce sujet concernant les gouverneurs et tu trouveras ce point concernant le fait de faire la salat derrière eux, de faire le hajj avec eux, de faire le jihad avec eux, même si ils font des péchés et ils sont injustes. قال ومن الأدلة على ذلك أولا الصلاة. ثم pour finir, il a cité quelques exemples. La salat, la zakat, le hajj et le jihad. Fanaqra. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فقد أمر الله تعالى بإتيان الجمعة أمرا مطلقا الله سبحانه وتعالى il a ordonné à chaque croyant de faire salat al-jumu'ah في المسجد bien sûr les hommes. C'est une obligation pour les hommes. مع أنه تعالى يعلم أن القائمين بها من الولاة منهم البر والفاجر. S'il y aurait une exception à faire, elle aurait été faite min Allah Azza wa Jal. لماذا؟ لأن الله c'est lui qui a ordonné à chaque croyant homme de faire salat al-jumu'ah au masjid. C'est une obligation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Un certain gouverneur allait arriver avec certaines choses. Enfin, s'il y aurait une exception, sauf les gouverneurs qui font telle ou telle chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait spécifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait montré. Et vu que l'Amr, il est resté mutlaq général, ça prouve que tant que c'est un musulman, on fait salat. قال مع أنه تعالى يعلم أن القائمين بها من الولاة منهم البر والفاجر فعلم أن الواجب القيام بها مع كل أحد منهم نعم ne pas délaisser la salat parce que tel masjid il est sous l'ordre des autorités et vu que les autorités font telle et telle chose on fait pas salat ça c'est من طريقة الخوارج الضلال ولهذا صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج ابن يوسف وخلف نجدة الحروري وصلى الحسن والحسين رضي الله عنهما خلف مروان وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج نعم ça c'est des exemples clairs أن ابن عمر رضي الله عنه il a fait salat derrière certains de ses gouverneurs qui étaient injustes وقد حكى إبراهيم النخعي ذلك عن عبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم فقال كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف donc on le répète à notre époque C'est vu qu'il y a énormément l'un de masajid et c'est pas le gouverneur directement ou ceux qui sont avec le gouverneur min al-wuzara etc qui feront la salat. Lakin si c'est un imam qui a été désigné par les autorités et délaissé la salat dans ce masjid, pourquoi? Parce que cet imam il a été désigné par les autorités. Bah hada c'est grave. Wa illa fala shakan al-mu'min il essaye de faire salat derrière Ahl al-Khayr ou al-Taqwa. Lakin délaisser salat parce que tel imam, il a été désigné par les autorités, ça ne fait pas partie de la voie des salafs. قال ولم يكتفي السلف رضي الله عنهم بالصلاة خلفهم بل أنكروا أشد الإنكار على من ترك الصلاة خلفهم تدينا بل السلف critiquait ceux qui délaissaient la salat derrière les gouverneurs ou ceux qui ont été désignés par les gouverneurs. فقال أبو حمزة الثمالي ينظر الضبط الاسم كان هو الثمالي والثمالي لا نصلي خلف الأئمة فرد عليه علي بن الحسين donc Abu Hamza il a dit on fait pas salat خلف الأئمة on fait pas salat derrière ses gouverneurs فرد عليه علي بن الحسين le fils de الحسين الحسين c'était le fils de علي بن أبي طالب رحمه الله بقوله بل نصلي خلفهم ونونا بالسنة الكلمة لبقى واضحة ينظر في الأصل قال أخرجه ابن أبي شيبة الشاهد بل نصلي خلفهم بل يفو في الصلاة تغيره donc هذا c'était le premier exemple الصلاة ثانيا الزكاة حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءنا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين وهم العاملون على الزكاة يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردوا مصدقكم رواه مسلم في صحيحه وفي مصنف عبد الرزاق عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عندي مال قال فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخضري وسعد بن أبي وقاص هؤلاء كلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت إنه اجتمع عندي مال وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون وإني قد وجدت لها موضعا كيف ترى فكلهم قالوا أدها إليهم هذا سيكسبليك الحديث بريسيدون دونك سهيل ابن أبي صالح عن أبيه il avait de l'argent et il est parti voir ses compagnons ابن عمر وابي هريرة وسعيد وأبو سعيد plutôt والسعد رضي الله عنهم أجمعين il leur a dit j'ai de l'argent et si je donne ma zakat à à ce gouverneur, enfin vous savez qu'est-ce qu'ils font comme injustice, il a arrêté, enfin qu'est-ce que je dois faire? Ils lui ont tous répondu, Diha ilayhim, donne-lui. C'est le gouverneur, donne-lui. Ma'alik, anta, tu as fait ton obligation. Qala wa fi musannaf ibn Abi Jayba an ibn Umar radiyallahu anhum annahu qala idfa'u zakata amwalikum ila man wallahu Allahu amrakum faman barra falinafsihi wa man athima fa'alayha. Kalam jamil. Ibn Umar radiyallahu anhu qala donnez-leur la zakat. Enfin, celui qui utilisera cet argent dans le bien, falinafsihi, il aura une récompense. Wa man athima, celui qui est injuste, il aura des péchés, fa'alayha. Amma si en tant que muslim tu as donné ta zakat aux autorités, falhamdulillah. Alhamdulillah, tu as fait ton wajib. Tout ça pour ne pas diviser la communauté. Tout ça pour ne pas ouvrir une porte de shar. C'est pour ça que salaf, ils ont donné beaucoup d'importance à hadal bab, à ce sujet, à ce point. Thalithan, troisième et dernier exemple, al-hajj ou al-jihad. قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجه الدلالة منها ما قاله الإمام أبو عبد الله ابن أبي زمنين في أصول السنة بعد ذكر هذه الآية قال وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم فلم يشترط ولم يبين وما كان نعم فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا ثم ساق بسنده عن عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى أنه قال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة ولو عملوا ما عملوا. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné de faire le hajj. Et vu que ceux qui s'occupent du hajj, c'est al-umara, c'est les gouverneurs, on fait le hajj معهم. كما قال هنا سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وهكذا الحج ولو عملوا ما عملوا même si ils ont des égarements même si commettent des injustices ولو جاز للناس ترك الغزو معهم لسوء حالهم لاستذل الإسلام أما درس الجهاد pour cette حجة parce que le gouverneur il a fait telle et telle chose c'est très très grave et un gouverneur qui appelle au jihad et qui fait le jihad c'est un gouverneur qui a beaucoup de khir imaginez un homme il appelle au jihad Et nous, à cause de ces manquements, on délaisse. Ah, ça ferait du mal à toute la communauté. وتخيفت أطرافه et أطراف بلاده واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله. ثم ساق بسنده عن زهير ابن عباد قال كان من أدركت من المشائخ مالك وسفيان والفضيل ابن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. Ils ont rapporté عن هؤلاء الأئمة. مالك ابن أنس الإمام. سفيان. الفضيل ابن عياض. Tous ces grands imams, ils faisaient الحج avec الخليفة. Avec celui que les autorités ont désigné. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي قال قلت لأبي يا أبي أو يا أبتي في إمارة الحجاج تغزو. Donc il a demandé à son père, est-ce que tu fais le jihad avec الحجاج? Et الحجاج il était connu بالظلم وبسفك الدماء, l'effusion de sang. مع هذا قال يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال. J'ai connu des personnes qui détestaient الحجاج plus que toi à cause de ses injustices. Ces injustices, ils n'ont jamais délaissé le jihad ma'a. وَلَوْ كَانَ رَأْيُ النَّاسِ فِي الْجِهَادِ مِثْلَ رَأْيِكَ مَا رَأَى الْأَتَاوَ يعني الْخَرَّاجِ. هذا كلام جميل. أن ces fondements importants, ces points qui font partie de notre aqida, ce n'est pas par rapport à notre avis. Je l'aime, je ne l'aime pas, j'ai envie, je n'ai pas envie. C'est du din, on suit les salafs. Et on met nos passions et notre avis de côté. Et al-haq, il était ma'ahum. Et as-salama, c'est de les suivre. Wa al-dhalala, kullu al-dhalala, c'est de s'écarter de leur manhaj. Wa ba'da hadhihi al-adilla al-jaliyya, wa an-nuqul 'an al-'ulama, 'an 'ulama al-umma, la adhun ahadan mimman yurid al-haq wa yunshidu al-huda yas'u al-khuruj 'an hadha al-madhhab as-salafi. Après avoir cité toutes ces preuves min al-Qur'an, min as-sunnah, wa hakada, la voix des salaf, la parole des grands imams, le consensus, l'unanimité. Fakama qala, celui qui veut la vérité, فإن بعد لسي لفوا دو هؤلاء كيف وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية عظيمة أن المؤمن يتوسبيغ لفوا دو هؤلاء المؤمنين الصالحين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Celui qui délaisse la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui délaisse kedalik la voix des croyants qui étaient à son époque, ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa'ada la shaka annahu, il a ouvert une porte d'égarement. Et il risque le châtiment. قال وفيما ذهب إليه السلف رضي الله عنهم من أداء العبادات مع الولاة تحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية. Avec les preuves, kedalik c'est du bon sens. Si on veut préserver la communauté, on veut préserver l'union des croyants autour d'un même gouverneur, on doit obéir et on doit patienter. Et on doit surtout, on ne doit pas délaisser ses ibadat au nom de tel gouverneur, il a fait telle chose. Tout ça, ça contredit les bases de notre dîn. قال التي جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. Et là, chacun a délaissé l'ibadat avec le gouverneur, ça va avoir pour conséquence des mefasides, beaucoup de choses néfastes. La division, thumma critiquer le gouverneur. Et pourquoi les gens ils vont se demander pourquoi ils font plus salat derrière tel imam, parce que cet imam il a été désigné par les autorités. Thumma les gens vont commencer à critiquer les autorités. Thumma la rébellion, thumma l'effusion de sang, thumma les kuffars ils prennent le dessus très très vite. قال وقد أشار إلى هذا النظر المقاصدي عبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الملك بن حبيب كما تقدم النقل عنهما كما أشار إلى ذلك الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ففي السنن لسعيد بن منصور أنه سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون فقال إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم. Quand ils ont demandé à cet imam pourquoi faire al-jihad avec Bani Marwan, c'était eux les gouverneurs à l'époque. Il a dit, ça vient de Shaitan. Et Shaitan, il fait tout pour les écarter du jihad. Et ne faites pas le jihad parce que le gouverneur, il est injuste. Et ce que Shaitan, il veut, c'est que les croyants, ils délaissent al-jihad. قال والمعنى إن هذه الشبهة وهي ترك الغزو مع الأمراء لأجل جورهم ما أثرها إلا الشيطان الرجيم لأجل أن يثبت المسلمين عن تحقيق المصلحة الكبرى الحاصلة من الجهاد والله المستعان. فبهذا نفني الفصل الرابع كي était assez simple. Et la prochaine cours, inshallah, on commencera le fصل الخامس في مشروعية الدعاء للإمام. هذا كذلك c'est un باب important. أي faire des invocations pour eux, c'est légiférer. بل c'est nafi' jiddan. Yani si le gouverneur Allah subhanahu wa ta'ala il le guide, pas toute la communauté elle profitera. Et كذلك il n'y a aucune conséquence néfaste ou grave pour la umma de faire dua pour lui. Il peut avoir que du khayr. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos gouverneurs. Fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala yahdi ulat umur المسلمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Le prochain cours jeudi. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله.